Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Kondiaronk, à la fois grand guerrier et homme de paix. Kondiaronk est un chef Huron qui est aussi connu sous le nom du Rat. Depuis 15 ans, c'est un personnage incontournable qui domine la scène politique amérindienne. Cette année, dans un violent combat de canots qui s'est poursuivi pendant 2 heures sur les eaux du lac Érié, le Rat a taillé en pièces un parti de 55 Iroquois et anéanti par cette victoire toute possibilité d'alliance entre les Hurons et les Iroquois. Kondiaronk n'est pas uniquement un chef de guerre, c'est également un orateur impressionnant. L'historien et homme de théâtre Jean-Claude Germain, dans une capsule produite dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal, le nom du chef Huron Kondiaronk est aujourd'hui encore assez peu connu. Pourtant, Kondiaronk est l'un des principaux artisans de la Grande Paix de Montréal, une Grande Paix qui sera signée quelques jours après sa mort en 1701. Ce traité conclu entre les Français, leurs alliés amérindiens et les 5 nations iroquoises va en gros ramener la paix en Nouvelle-France jusqu'à la conquête anglaise de 1760. Il y a quelques années, la ville de Montréal a d'ailleurs décidé de donner le nom de Kondiaronk au belvédère du Mont-Royal. Pour nous présenter ce personnage plus grand que nature, je reçois l'animateur de l'émission C'est fou, Serge Bouchard, qui a accepté de participer à cette série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire, où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qui les passionnent. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait, Serge, que Kondiaronk a été à ce point oublié, absent de nos livres d'histoire, alors qu'il n'aurait pas dû l'être? Autrement dit, pourquoi il a été important dans notre histoire? Mais c'est vrai, Jacques, que nous vivons de meilleures années maintenant, puisque Kondiaronk est revenu un peu à l'avant de la scène depuis le passage du millénaire en 2001, où on a célébré l'anniversaire de la Grande Paix. Mais traditionnellement, chez nos historiens nationaux, Kondiaronk a été oublié complètement, mais tout simplement par le fait que c'est le point de vue amérindien qui prend le dessus. Quand on regarde l'importance de Kondiaronk, mais on a la vision du monde un peu plus amérindienne. Et les héros nationaux que cherchaient traditionnellement nos grands historiens nationaux, pour reprendre votre expression, c'était pas les Autochtones. Exactement. Et même toute la Grande Paix de Montréal est passée inaperçue. Vous savez, moi, je ne sais pas, je suis plus vieux que vous, mais à l'école, on ne m'a jamais parlé de ce grand événement du mois de juillet et août 1701. On n'a jamais parlé. Or, les grands personnages de cette Grande Paix, Kondiaronk a dominé, je dirais, dominer la scène. De façon dramatique, d'ailleurs, presque shakespearienne. Ouais. Il a dominé la scène parce qu'il est mort 2 jours avant la signature du traité. Et cette cérémonie, d'ailleurs, on y reviendra, mais même ses funérailles, au fond, la messe qui sera prononcée à la suite de sa mort, ça va participer d'une certaine manière à incarner cette Grande Paix qui est signée en 1701 à Montréal. Et puis une Grande Paix qui est importante aussi. Vous dites, même la Grande Paix, on l'a oubliée. Alors que ça va être fondamental pour ce qui va suivre en Nouvelle-France pendant des décennies, Serge Bouchard. Oui, ça va nous mener à la conquête, en fait. Ça va colorer les activités d'exploration des Canadiens et des Français dans les pays d'en haut. Mais avant ça, je voudrais revenir sur le point suivant. Mais Monsieur Germain l'a très bien dit dans l'extrait, on l'a bien entendu. Kondiaronk a vécu toute sa vie une vie de guerre, une vie de violence dans les pays d'en haut, dans les Grands Lacs, dans la vallée du Saint-Laurent, dans la vallée de l'Outaouais. C'est la guerre, dans l'État de New York, c'est la guerre. Tout le monde souffre, les Français, les Canadiens, les alliés amérindiens, les Iroquois, tout le monde souffre de cette guerre. Alors Kondiaronk serait venu au monde en 1625-26. Alors les témoins disent que c'est un vieil homme au moment de la Grande Paix, au moment de sa mort. Donc on l'estime peut-être qu'il avait 75 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'il vient au monde, Champlain vit toujours. Donc il a vécu un siècle presque, enfin il a vécu ses 75 ans de violence. Ouais. Et c'est crucial pour les Autochtones de faire la paix, pour faire le commerce, pour sauver leur nation. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'à cette époque, on ne l'avait jamais dit en histoire, mais toutes ces nations sont des nations souveraines, sont des peuples en bonne et due forme. Il y en a entre 36 et 40 nations souveraines qui se présentent à Montréal. Et c'est Condiaronc lui-même, ce fameux Condiaronc qui a défait des Iroquois, 55 Iroquois, dans les Grands Lacs. Bon, c'est un guerrier, mais c'est aussi un diplomate. Et en donc, fait, c'est un stratège. Ce que vous nous dites, c'est que... puis on l'entendait, effectivement, Jean-Claude Germain disait, c'est d'où le titre de l'émission, j'ai décidé de dire grand guerrier et homme de paix. Mais en fait, grand guerrier d'abord, mais fin stratège, avec les capacités qu'on lui connaît de, sur le plan de sa, son éloquence oratoire. Mais au fond, le point commun entre tout ça, entre le grand guerrier, entre le stratège, entre l'homme de paix qu'il va devenir, parce que la paix, c'est la façon de sauver son peuple, le point commun, c'est ça. Toute sa vie, son seul objectif, c'est de sauver son peuple, qui est en, il faut le dire aussi, qui est en déclin à ce moment-là. Bien, tout à fait, parce que son peuple, il sait d'expérience qu'un peuple peut mourir. On dit toujours que Condiaronc est un Huron, c'est faux. C'est un Tionnontaté. Son origine, c'est le peuple Tionnontaté que les Français appelaient les Pétuns. Bien sûr, en faisant référence à pétuner, vieux mot, vieux verbe français, pour fumer du tabac. Alors, c'était une nation qui vivait à l'ouest de la Huronie, du Wendake, et c'était les Tionnontaté. Or, les Tionnontaté sont disparus suite aux guerres et aux attaques iroquoises, mais surtout les maladies. Donc, ils ont subi le même sort que les Wendat Hurons, qui sont en déclin, et tous ces Iroquois des Grands Lacs vont se retrouver, les Erieronon aussi, vont se retrouver à Michilimackinac. Mackinac, c'est le nord du Michigan, sous Sainte-Marie, et ils vont se retrouver là, et on va les appeler les Hurons. Alors, il sait, Condiaronc, ce que ça coûte la guerre. Oui. La guerre, ça peut provoquer l'extermination complète d'un peuple. C'est vrai que c'était des petits peuples. Il y avait dans les Grands Lacs peut-être 30 000 Hurons, 40 000 Hurons, mais il reste que ce sont de grands désastres identitaires, et lui, il ne veut plus ça. Il défend l'intérêt de la coalition des Hurons de Michilimackinac. Il défend l'intérêt de son peuple et l'intérêt des autres peuples des Grands Lacs aussi. Ouais. Et puis, il y a ce contexte plus large qui est celui que vous aviez commencé à décrire, mais on peut dire que au 17e siècle, en Nouvelle-France, la cohabitation entre Français et Autochtones, et entre Autochtones eux-mêmes, est plutôt difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. On est en guerre perpétuelle, ou à peu près. Oui, mais il y a quand même des grandes lignes de fracture. Ce qu'on appelle les Français dans nos livres d'histoire, mais c'est souvent des Canadiens, là, parce qu'il y a beaucoup, on est à l'époque quand même où il y a beaucoup de Canadiens. En général, les nations qui sont à Montréal, parce que vous savez, la grande paix de Montréal, c'est pas local, là, c'est pas une paix locale. Les nations qui s'y retrouvent, les 36 nations qui s'y retrouvent, ils viennent d'aussi loin que de Chicago, Détroit, le fond du lac supérieur, la région du Wisconsin, tous les grands lacs, et bon, ça couvre l'État de New York, ça couvre, il y a des Abénakis de l'Acadie. Vous voyez, c'est immense. Oui. En fait, c'est l'Amérique française, c'est l'Amérique des grands lacs, ce qu'on appelait les pays d'en haut. Ces nations, à part les Hurons, de Condiaronc, sont généralement des nations algonquiennes. Ce sont des chasseurs nomades algonquiens et ils sont amis des Français. Oui. Les ennemis des Français sont les Iroquois, les cinq nations iroquoises qui sont à coquiner avec les Anglais à Albany et les Anglais de Manhattan, puis les Anglais qui sont à Albany. Alors, vous voyez, c'est des fractures. Il n'y avait pas les cinq nations, d'ailleurs, à Montréal. Les Agniers ne sont pas venus, les Agniers qui sont les Mohawks. ne sont curieusement pas venus. Les quatre autres nations iroquoises sont venues. Ouais. Et tout ce beau monde, Serge, bon, il y a cette guerre pour les premières décennies du 17e siècle. C'est un monde en guerre. Guerre double, en fait. Les Anglais et les Français qui s'affrontent et qui chacun ont leurs alliés. Vous venez de le décrire. En gros, les Iroquois du côté des Anglais, les autres du côté des Français. Donc, il y a ces deux guerres parallèles, Français-Anglais avec leurs alliés respectifs autochtones. Puis, au fond, une guerre commerciale. La Grande Paix, c'est peut-être, je me disais, c'est peut-être, au fond, un des premiers traités de libre-échange, mais c'est une guerre commerciale aussi à laquelle on assiste. Le fond de cette affaire, Jacques, vous avez raison, c'est le castor. C'est la fourrure, les profits de la fourrure qui était énorme. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, évidemment, mais c'est difficile de s'en poser dans le temps. Mais il s'agissait de savoir si les castors des Grands Lacs et des pays d'en haut sortaient à Manhattan ou sortaient à Québec. Ouais. Là-dessus, la guerre a été gagnée par les Français et leurs alliés parce qu'ils avaient beaucoup plus d'alliés. Parce que les Anglais ont toujours été un peu coincés dans cette affaire. Ils n'avaient accès aux fourrures que par les Iroquois. Ouais. Et les pauvres Iroquois, ils étaient fatigués, là. Ils s'étaient battus contre tout le monde et avaient été battus par tout le monde. Ils ont survécu d'une drôle de façon. D'ailleurs, ça va être au cœur du débat de la Grande Paix de Montréal. Ils vont adopter les ennemis. Ils vont faire des captifs. Ils vont faire une guerre pour avoir des captifs pour éviter l'effondrement démographique des Iroquois, ce qui fait qu'en 1701, dans le monde iroquois, il y avait plus de captifs que d'Iroquois de souche. Ouais. C'est quand même phénoménal. Ouais. Revenons à Condiaron, qui est au rôle qu'il aura dans le processus qui va, à terme, mener à cette Grande Paix de Montréal. C'est intéressant parce qu'au fond, dans ce portrait que vous nous avez fait déjà, où on comprend qu'il y a des clans qui s'affrontent, qu'il y a deux comptoirs, deux plaques tournantes du commerce de la fourrure, Albanie ou alors du côté français, Montréal et Québec, Condiaron, au fond, va devoir choisir. Il ne porte pas nécessairement les Français en grande estime toute sa vie. Comment il va hésiter? Qu'est-ce qui fait qu'il va, à un moment donné, décider d'être du côté des Français? Quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit qu'on dit qu'il n'aimait pas beaucoup les Français, mais malgré le fait qu'il était catholique, baptisé. Il se méfiait des Français, comme tous les Autochtones de l'époque. Il se méfiait beaucoup des Jésuites et des robes noires qu'ils accusaient d'être à la source des épidémies. Ouais. Et ils ont toujours pensé que les Français avaient le contrôle des maladies et que c'est les Français qui les empoisonnaient via les robes noires. Maintenant, ils n'aimaient pas beaucoup les Français pour de bonnes raisons. Depuis Champlain, les Français avaient été fourbes à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'ils avaient trahi les Wendats, ils avaient trahi les Algonquins, parce que les Français ont longtemps cherché à faire une paix, bien avant 1701, ils voulaient faire une paix avec les Iroquois et détourner les Iroquois du côté des Anglais, c'est-à-dire assécher complètement Albany et New York et faire la paix séparée avec les Iroquois. Mais son grand génie, en fait, à Condiaron, donc, ce sera pour les propres intérêts de sa propre nation, mais ce sera de convaincre, c'est pas rien, les différentes nations autochtones, parfois ennemies l'une de l'autre, de venir à Montréal pour négocier cette grande paix avec les Français. Il faut dire que quand on regarde les nations iroquoises qui vont dire d'accord, on y va, il y a des facteurs qui vont influencer. La trêve entre Français et Anglais fragilise les Iroquois, qui fait qu'ils n'ont plus le soutien matériel de leur allié britannique. Donc, il y a comme une conjoncture favorable, mais c'est par stratégie, par beau discours que Condiaron va convaincre tout ce monde-là de se retrouver à la conférence de Montréal à l'été de 1701, au terme de laquelle sera donc signée cette Grande Paix de Montréal. La Grande Paix de Montréal, c'est d'abord un grand événement diplomatique, une grande conférence qui se tient à Montréal au cours de l'été 1701, qui commence à la fin du mois de juillet, à l'arrivée des premiers ambassadeurs vers le 21-22 juillet, et qui va se terminer vers le 6 ou 7 août, au moment où Callière fait ses audiences de congé au nos ambassadeurs qui sont venus. Calière étant le gouverneur de la Nouvelle-France à l'époque. C'est ça. Calière, c'est le gouverneur de la Nouvelle-France depuis la mort de Frontenac. C'est lui donc qui a succédé en 1699 et qui va rester jusqu'à sa mort en 1703 le gouverneur de la colonie. C'est lui qui est un des principaux artisans de cette grande conférence diplomatique qui va avoir lieu à Montréal. Vous parlez donc de conférence diplomatique. Vous avez parlé d'ambassadeur. On parle de quoi exactement? C'est une paix avec les Indiens? Est-ce que c'est une paix avec d'autres pays? C'est une paix qui implique une trentaine de nations amérindiennes. La plupart sont des alliés des Français. Il y a peut-être trois acteurs importants. Il y a les Français, il y a leurs alliés autochtones, les principaux viennent de la région des Grands Lacs, et il y a les Iroquois qui forment le troisième acteur important de cette grande conférence-là. Et cette conférence-là vise à mettre un terme aux guerres. On parle souvent des guerres franco-iroquoises ou guerres iroquoises qui ont été marquantes dans l'histoire de la Nouvelle-France et qui ont repris avec beaucoup d'ampleur à la fin des années 1680. Kondiaronk, qui arrive, qui va prendre la parole devant les 1000 personnes réunies. Certains vont même jusqu'à 4000 personnes réunies parce qu'on n'a pas de chiffre exact à cette époque-là. Et Kondiaronk est ce qu'on appelle un grand rhétoricien, un grand orateur. Et même les Français le reconnaissent. Il a une manière, un débit de voix qui fait que quand il parle, tout le monde s'assoit, écoute. Mm-hmm. Pendant 2 heures, il va tenir le crachoir à certains des plus grands dignitaires français. Et à la suite de quoi, on va se dire, ben, peut-être a-t-il raison. Mais le problème, c'est que dans la nuit du 2 août, Kondiaronk va décéder. Ah oui. Et comme il s'est converti par les jésuites, il est devenu catholique. Donc, on va organiser une grande messe, pas très loin du Vieux-Montréal, la Basilique Notre-Dame, du moins pas très loin. Et vous allez avoir tout un cortège avec les officiers français, les Amérindiens, et ça va être le ciment de la grande paix de Montréal. Historien Laurent Turcot à l'émission le 15-18, le 6 juillet 2017. Et juste avant, vous entendiez l'historien Alain Beaulieu au micro de Pierre-Léon Lafrance à l'émission La vie comme une histoire en avril 2001. Que se passe-t-il donc ce fameux été de 1701 à Montréal, Serge Bouchard? Mais il faut dire que Kondiaronk a fait un travail avant la paix de 1701. D'abord, Kondiaronk était un ami de Frontenac. Frontenac est mort à la fin du siècle, mais il a déjà discuté avec Frontenac de la possibilité de faire cette grande paix, de faire cette grande réunion à Montréal. Donc, ça va être Calière qui remplace Frontenac, qui va recevoir tous ses invités. Mais Kondiaronk a travaillé pendant 1 an, sinon 2 ans, à convaincre 36 nations à venir à Montréal. Alors, c'était pas facile. D'abord parce que ces nations-là ne travaillaient pas toujours ensemble, étaient ennemies les unes des autres. Ensuite, beaucoup de ces nations se méfiaient des Français et ça a mal tombé. Quand ils sont venus à Montréal, il y avait une épidémie à Montréal de grippe. Alors, ils sont tombés malades. C'est pas pour rien que Kondiaronk va mourir. Il n'est pas le seul à mourir. Il va y avoir à l'Hôtel-Dieu d'autres chefs qui vont mourir. C'est presque l'hécatombe. Donc, les Indiens sont malades et ils ne veulent pas venir. Mais il reste que réunir 36 nations à Montréal, c'était un exploit diplomatique. D'ailleurs, Kondiaronk aurait dû avoir un prix Nobel de la paix si ça avait existé à cette époque, parce que c'est un exploit sans précédent qui a réussi. À convoquer tous ces gens-là, de les amener à Montréal en juillet. Et cette conférence de juillet dure quelques semaines. Il y a autant, il faut le voir aussi, là, il y a dans ce Montréal de l'époque, il y a autant d'Autochtones réunis dans la région de Montréal qu'il y a d'habitants à Montréal à ce moment-là. Et puis ça parlemente, ça jase pendant quelques semaines. Revenons à ce qu'on entendait. Laurent Turcot nous disait, c'est un sacré orateur. Il y aura ce discours pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'il leur dit et quelle importance sont les mots qu'il prononce? Avant de le voir, lui, en scène, il faut voir que tous les délégués... Alors, précisons, c'est probablement un des plus grands moments de l'histoire de Montréal sur le plan du spectacle. La ville n'a que 1200 habitants français-canadiens, ce qui veut dire que la ville est toute petite. C'est une petite ville coloniale de 1200 habitants, là, c'est quand même pas... Mais il y a déjà presque 800 autochtones domiciliés, Iroquois, Mohawks, à Sault-Saint-Louis. Même avant la conférence, il y a 800 Indiens de l'autre côté du fleuve, au Rapide de la Chine, qui est aujourd'hui Kanawake. Mais viennent des Grands Lacs 1200 personnes. Donc, Laurent nous disait presque 4000 personnes. Il y avait 1200 Indiens des Grands Lacs, mettons 500 Indiens de Kanawake, la population de Montréal au complet. Ils parlent dans leur propre langue. Alors, il faut des interprètes. C'est la force des Canadiens de parler ces langues. Oui. Là, il y a plusieurs langues. Vous imaginez, là, il y a 36 langues différentes. Alors, il faut que des gens se comprennent. Et je reviens à ce fameux discours qui est devenu un peu, entre guillemets, mythique. Vous l'avez dit, il a un rôle important, Kondiaronk, dans les années qui précèdent la conférence de Montréal. Le discours qu'il tient à ce moment-là, est-ce que c'est signé d'avance? Est-ce que quand ils arrivent ici, on sait que le traité va être signé ou s'il aura, pendant la conférence, un point important, Serge Bouchard, Kondiaronk? C'est-à-dire, il y a un problème qui va mettre la paix en péril, un gros problème. C'est que Kondiaronk avait réuni toutes les nations des Grands Lacs. Et quand on parle des nations des Grands Lacs, là, je le répète, c'est 36 nations différentes qui vont amener à Montréal des prisonniers iroquois. Puisqu'on va procéder à un grand échange, les prisonniers iroquois qui sont dans les pays d'en haut et les prisonniers des alliés, les prisonniers algonquins et hurons chez les Iroquois, on va faire un échange de prisonniers. Mais les Iroquois qui sont venus, les quatre nations, n'ont pas amené de prisonniers. Et là, Kondiaronk est en furie, mais pas seulement lui. Tout le monde veut repartir en disant les Iroquois n'ont pas amené leurs prisonniers. L'argument des Iroquois est à peu près fondé, c'est-à-dire qu'ils vont dire, mais nos prisonniers, nos captifs, ils ne veulent pas revenir. Oui. Parce qu'ils sont adoptés, ils sont devenus des Iroquois, ils sont dans leur famille, ils ne veulent pas revenir. Mais ça va pas convaincre Kondiaronk. Maintenant, Kondiaronk, au moment de son discours, il est déjà malade. Alors, il va faire son discours après le discours d'un Huron. Il se lève, il est fatigué, il est à moitié mort, il est en sueur. On va lui donner un fauteuil. Mais surprise générale, il va parler pendant 2 heures. Et il va parler pendant 2 heures et là, il va faire tout ça, les revendications. Et il va dire qu'il est trahi, que les Français l'ont encore une fois trahi, etc. Mais il va le faire de façon diplomatique. On va écouter Kondiaronk jusqu'à la fin, mais à la fin, il s'effondre. Oui. Il va perdre connaissance. Vous voyez, c'est dramatique quand même. Oui. On va l'amener directement à l'Hôtel Dieu, où il va décéder dans la nuit. Mais l'intérêt commun, malgré ses tiraillements, malgré ses accusations envers les Français, tout le monde comprend qu'il faut faire la paix, que c'est dans l'intérêt commercial de tout le monde. Et elle sera signée, cette grande paix, avec, en quelques secondes, Serge Bouchard, avec quel impact, Serge? Bien, ça va donner un avantage considérable aux Français, aux Canadiens et aux Français, c'est-à-dire ça va ouvrir tous les pays d'en haut. Les pays d'en haut, à l'époque, là, c'est pas les pays d'en haut de M. Grignon, là, c'est pas Séraphin Poudrier. Les pays d'en haut, c'est le Michigan, c'est le Wisconsin, c'est l'Illinois, ce sont tous les Grands Lacs. Et là, les Français vont pouvoir y aller en paix, s'installer, ouvrir des postes de traite partout et vont dominer l'économie de la fourrure jusqu'en 1760. Ouais. Et ils auront l'amitié de toutes les nations amérindiennes de ces régions jusqu'à l'époque de Pontiac, là, en 1763. Alors, c'est un impact considérable. Ça a permis l'essor économique et les explorations. Ouais. Ça a permis les explorations du Centre-Amérique et l'essor économique de la France, finalement. Serge Bouchard, anthropologue, animateur de l'émission C'est fou à ICI Première. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Serge. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. C'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.